qui l'a vu, c'est Gilles Bottineau qui s'en charge. Exactement. Alors le principe, c'est simple. Chaque semaine, désormais, je vais vous faire découvrir ou peut-être redécouvrir, selon l'état de votre culture, un film méconnu et qui mérite, selon moi, que l'on s'y intéresse un peu plus. Alors pour démarrer, j'ai choisi un film que j'affectionne tout particulièrement, qui s'intitule Les Gauloises Blondes. Alors je vais vous poser une question, ce sera la même chaque semaine. Qui l'a vu ? Voilà. Personne. A priori, personne. Personne en France. Les auditeurs éventuellement peuvent nous dire sur Twitter s'ils l'ont vu ou pas. C'est alors, un paquet de cigarettes. C'est, ça aurait pu. Non, c'est un peu plus érotique que ça. Alors, les Gauloises Blondes, c'est un film de Jean Jabeli, un metteur en scène qui ne fera pas vraiment date dans l'histoire du cinéma, mais qui a au moins eu le mérite d'avoir réalisé ce film, disons, atypique, sorti en 1988, essentiellement en province, dans une sorte de circuit indépendant parallèle. Cela aurait pu s'appeler la trique d'Astérix, l'histoire en quelques mots, en lançant après Jésus-Christ, un village d'irréductibles Gaulois attaqués par l'armée romaine réplique en leur envoyant leurs propres femmes en tenue d'Ève. Mmh. Alors, pour situer un petit peu, je vous propose d'en écouter un petit extrait. On peut voir les images plutôt. À cause de maman. Oh, eh bien, entrez, que le dernier ferme la porte. Oh, quel grand honneur d'accueillir un noble guerrier. Vous avez certainement soif et peut-être faim. Les deux, madame. Allez, je compte sur toi, mon ami. Hein, nous avons encore affaire, nous. Toi, tu montes la garde. Il y a des pertes. Que le roman ne sort pas, compris ? Compris, Rux. Alors, ce qu'il faut, c'est bien tenir la situation en main. Mais c'est ce qu'elles font, cher druide. Mais c'est ce qu'elles font. Elles ne mégotent pas. Hé, Pituriche. Pituriche. Vous n'avez pas vu ma femme ? Elle va revenir, ta femme, t'inquiète pas. Elle est dans la forêt, elle cueille des champignons. Voilà, c'est élégant. Vous l'avez vu, c'est très très élégant. C'est élégant. C'est très très fin. Élégant. Donc il y a quand même quelques clins d'œil à la célèbre bande dessinée conçue par Goscinny et Uderzo, qui se compte quand même par dizaines. Il y a un barde insupportable, un autre Gaulois portant des bris bleus et blanches à l'image d'Obélix, des scènes de bouffe assez fastes et surtout un casting des plus familiers, Roger Carrel, Pierre Tornade et Gérard Hernandez. Roger Carrel, le fameux ? Le fameux. Donc un point commun les réunit tous, le doublage justement, précisément sur quelques adaptations animées des aventures d'Astérix. Carrel a été la voix officielle du petit blondinet d'Astérix le Gaulois au domaine des dieux en 2014. Tornade est quant à lui interprété Obélix, puis Abracourcix sur divers épisodes. Et enfin, Hernandez fut le vénérable du sommet dans ce qui reste à ce jour le meilleur épisode de la saga, Les 12 Travaux. Attention, cependant, vous l'avez entendu, toute ressemblance avec la BD s'arrête là. La volonté première du film de Jabeli consiste en vérité à enchaîner les séquences pseudo-érotiques où de jeunes femmes fesses et sans alerte courent, chauffent et sautent sur tous les hommes qui passent, lesquels ne se font pas prier longtemps afin d'éviter un massacre. Un message chaud dans le studio, classique. Un message très très chaud. Ouais. Bah, je me suis adapté à la météo. Je me suis dit voilà, fallait commencer par un film comme ça. Et à la chanson de Jean-Paul. Donc un message. On s'est accordé. Un message classique mais toujours efficace, faites l'amour, pas la guerre. Mmh. Outre cela, Les Gauloises Blondes marque la fin d'une époque et la résume par la même occasion, celle où l'on s'acoquinait entre potes plusieurs semaines durant lors d'un tournage modeste mais délirant avant de présenter le résultat à un public facilement hilar. Aujourd'hui, il est de bon ton de critiquer violemment ce cinéma. Les Gauloises Blondes fait pourtant preuve d'une témérité folle de par son incroyable culot et celle de ses comédiens très populaires, lesquels doivent ensuite assumer un tel choix. À présent, qui oserait s'engouffrer dans pareil projet ? Personne, évidemment. Les Gauloises Blondes allèguent donc ses origines comme un témoignage rare issu d'un temps où l'expression était encore libre, sans pression d'aucune censure intellectuelle, ni de scène télévision assassine. Bref, rendons à César ce qui lui appartient vraiment. Transposer l'univers d'Astérix sur grand écran dans une adaptation live, Pierre Tchernia, Claude Lelouch ou même encore Louis de Funès en ont longtemps rêvé avant de se casser les dents. Jean Jabeli, lui, 10 ans avant Claude Zidi, s'en inspire simplement, parsème diverses références ici ou là pour finalement imposer son propre style où Carnage, celui de la guerre des Gaules, rime avec liberté. En somme, un délicieux nanar que je vous conseille.